des enseignants, l'horaire des élèves comme tel. C'est sûr que si c'est en parascolaire, c'est beaucoup plus simple parce que les heures d'entraînement, comme c'est le cas pour le football, se font à l'extérieur de l'horaire scolaire comme tel. Donc, ça se fait après les cours à 4 heures. Okay. Ça, c'est beaucoup plus facile à gérer. OK, OK. Et quand on a amené le football, ben moi, j'en mange du football. C'est de loin mon sport préféré. Mais ça venait également d'un besoin du milieu. Okay. Les jeunes en parlaient, les jeunes avaient le goût, il y avait un engouement. Puis bon, cette équipe-là est en santé depuis sa naissance. Là. OK, OK. Donc, moi, je peux pouvoir écouter l'endroit que Mathieu Darche, avant lui, mais l'étude avant le sport. Donc, déjà là, tu vois déjà que ça pourrait être avoir un certain lien, mais évidemment, c'est là qu'on voit pareil que c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Qu'est-ce que tu parles de football, Danny? Philippe Lavoie, quelque part, tu dois être content de voir qu'il s'en va loin, parce que c'est ton bébé, les Carcajou, puis tout indique que ce gars-là va se rendre très loin, puis sinon, qui est capable de suivre les traces de Shane Gauthier, c'est bien Philippe Lavoie. Ben effectivement, puis il faut pas oublier non plus Shane là-dedans. Hein. Shane était un entraîneur de notre toute première édition des Carcajou. Donc, c'est vraiment très agréable de voir ça. On a vu Shane, on voit Philippe. Puis quand on regarde au niveau collégial, on a encore quelques-uns de nos joueurs qui performent. Je pense à William Saint-Pierre, qui est rendu au niveau du collégial 3A. C'est vraiment intéressant. T'sais, des fois, les gens se demandent pourquoi on fait jouer les jeunes de 12, 13, 14 ans au football. Ben c'est un sport qui est très populaire, qui est très formateur au niveau de la discipline et du respect. Il y a des valeurs vraiment particulières à ce sport-là. Mais en même temps, ça leur fait découvrir ce sport-là. Parce que si ces jeunes-là jouent pas au football à 12 ans, ils commenceront pas à 16 ans. Et ça fait des talents qu'on oublie carrément. Là. OK. Danny, en terminant l'école secondaire des chutes, il y a eu un gala de sport l'an dernier. Encore une panoplie, j'imagine, d'activités à l'école secondaire des chutes? Ah oui, oui, Danny. Tout est en marche. Volleyball élite, badminton élite, un club de ping-pong... le football qui revient au printemps, l'athlétisme qui est déjà en marche aussi, tout fonctionne à plein régime à l'école, ça va bien. OK. Ben, Danny, gros merci d'avoir répondu à mes questions. Ça fait plaisir, Danny, bonne journée. Danny Dufour, le directeur d'école à l'école secondaire des chutes.